Je me présente Florian, 23 ans, pas très bien dans sa peau. Les autres avancent, moi pas, il faut que tu changes ta flow. Y'a des gens qui me disent t'as des sales rimes et des bons textes. Dans ma tête, je me dis j'ai des sales vices et des complexes. J'essaie de faire la part des choses, j'essaie de me reprendre en main. Ouais, le soir, je me dis que je suis chaud, mais c'est la gloire le lendemain. J'essaie de vestir les cours, faut que je charge mon lit, c'est tout. Il faut le plombier les couses, donc j'ai repris les cours. Plus de motivation, j'ai le dos courbé, les bras ballants. On me dit t'es pas con, laisse tomber, t'as des tas de talents. Mais je n'arrive pas à croire que c'est vrai, je n'arrive pas à voir lesquels. Mon échappatoire, ce texte et le tag avant. Faut que je rentre fier, les darons, gros, ça c'est promis. Maintenant j'avance à tâtons, avant j'allais trop vite. Des traumatismes, j'en ai gardé, gros, ça c'est logique. Nostalgique, je me laisse bercer par cette mélodie. Je suis rempli de doutes, maintenant je fais attention, je vais, la vie n'a pas de goût. Pourtant l'addition est salée, mec, je suis pas du genre à faire du mannequinat. Regarde mon corps, moi c'est la slack ginale. Je vois que mes défauts, je cherche mes qualités. J'essaie de me lever tôt, souvent je suis fatigué. La perte de cheveux pro m'affecte, t'as pas idée. Je postule pour des boulots, mais je suis pas qualifié. J'ai l'impression d'avancer avec le vent de face. Pris de mauvaises décisions, ouais, sans que je sache. Parfois je suis un vrai connard, beaucoup trop fier. N'écoute pas ce qu'on dit sur moi, viens apprendre à me connaître. Yo, faut que je rentre fier, les darons, gros, ça c'est promis. Maintenant j'avance à tâtons, avant j'allais trop vite. Des traumatismes, je les gardais, gros, ça c'est logique. Nostalgique, je me laisse bercer par cette mélodie. Fier les darons, gros ça c'est promis. Maintenant j'avance à tâtons, avant j'allais trop vite. Les traumatismes seraient gardés, gros ça c'est logique. Nostalgique, je me laisse bercer par cette mélodie.